Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio Cousu Main, un thème et 4 épisodes, à 17h et à 23h. Cette semaine, le thermomètre monte, une série documentaire de Lydia Ben-Itzrak, réalisée par Doria Zénine. Au départ de cette série, il y a la COP24, le projet de faire un constat et de voir ce qu'on produit comme dégâts, ces quelques tout petits degrés en plus pour mieux dérouler les effets boule de neige, d'engrenage ou domino qui nous promettent le déluge. Or, dans les Landes, la côte a déjà changé. Alors pour commencer, les personnages. Un vieil homme philosophe, des habitués qui se cachent les yeux, un chasseur qui ne comprend plus les migrations des oiseaux, un maire abattu, un jardinier qui plante des genêts, un employé de l'Office des forêts qui veille sur la dune, un ornithologue et ses notes, des ingénieurs attentifs, des habitants à déplacer et comme toujours, des dubitatifs. Ensuite le décor, une presqu'île comme une impasse, après eux le déluge, un café, des côtes englouties, de l'érosion, des armoises et des immortels, la dune du Pila qui file, des caillebotis, des chemins, des rossignols à gorge bleue, des tempêtes et des blocos. Aujourd'hui, deuxième épisode, on est sur le rivage. Littoral inquiétant, un monde redessiné. La presqu'île de la Scapferrée est presque une île, c'est tout simplement une commune qui est superbe. Cette commune est recouverte par la forêt à 75%, c'est vous dire, et malgré tout elle fait 25 km de long. Comme son nom l'indique, la presqu'île, c'est en forme d'entonnoir, et tout à fait au bout de cette presqu'île, bien sûr, c'est une impasse. La pointe de cette presqu'île est bordée par l'océan Atlantique sur sa façade ouest et par le bassin d'Arcachon sur sa façade est. J'avais regardé un reportage une fois qui disait le réchauffement de la Terre, c'était plus ou moins une sorte de cycle, donc ça arrive tous les je sais pas combien d'années. Donc maintenant, bon, c'est vrai que plus ça va, plus on est nombreux, plus on fait de la pollution, plus on... Mais bon, on sera peut-être plus là pour le voir, tout ça. Vous peut-être, mais moi non, je pense pas. Maintenant, je ne connais pas trop comment ça marche l'histoire, mais bon. Mais non, moi j'ai pas peur, mais bon. Peut-être pour les jeunes qui vont arriver maintenant, ça sera peut-être pire dans 10, 15 ou 20 ans. Maintenant, on ne peut pas savoir. Ça peut s'arranger comme ça peut être. Ici, ça monte sans plus. Parce qu'il y a d'autres pays où ça doit être pire qu'ici. Ici, bon. Puis comme c'est sablonneux, ça pompe assez vite l'eau. Donc, Là, on est au Cap Ferré, au Lège Cap Ferré. Pas loin de la mairie, du centre-ville. On voit l'église là, par la fenêtre. Le temps est assez pluvieux et on est dans un café très sympathique qui s'appelle le Château-Quet. Et on va aller voir si les gens ont conscience de ces phénomènes de réchauffement climatique, si finalement la population du coin se rend compte un peu des événements qui se passent. C'est très chaleureux, c'est comme on l'imagine. Il y a des vieux accoudés au bar, des jeunes, des gens un peu de tous les milieux. Donc on va aller un peu à la rencontre des gens, voir ce qu'ils en pensent. La montée des eaux, non, mais le mauvais temps, oui. C'est décalé. Les saisons sont décalées. Ouais. Voire de 3 mois à 4 mois. Parce que moi, avant, je chassais au canard sur le bassin. La migration m'a changé. Je ne passais pas au même moment. Et puis le temps n'était pas pareil. Et les températures n'étaient pas pareilles. Donc ça, on s'en aperçoit. Bon, maintenant, moi, je le vois. Là, c'est le temps d'aujourd'hui, c'est un temps de début octobre. Fin novembre, en fait. Fin novembre, il devait faire froid. Froid et soleil. Mais la migration, on n'en voit plus beaucoup. Parce que moi, je suis là-bas, dans la forêt, enfin, à côté de la forêt. Je vais prendre les méchés dans la forêt. Et les oiseaux, on n'en voit quasiment plus. Les grives, à la passée, tout le matin, on n'en voit plus. Même les chasseurs, ils me disent, il n'y a plus d'oiseaux qui passent. Mais on s'est aperçu, il y a une dizaine d'années de ça, que les oiseaux se sont décalés. Ils passent sur l'eau, sur le bassin, sur le marais de Lège. Tout. Avant, ils passaient dans les terres. Maintenant, le gibier, hop, il passe sur l'eau. Pourquoi ? Je ne sais pas. Je fais un premier constat. Je suis élu depuis 23 ans maintenant. Je connais cette presqu'île depuis plusieurs décennies. Malheureusement, j'ai des cheveux blancs et je le regrette. J'ai connu cette pointe du Cap Ferré avec des grandes plages. Et puis au fil des années, la pointe a reculé de 800 mètres, ce qui est énorme. Quand vous perdez 800 mètres de long sur votre territoire, on peut se poser les questions. Les anciens me disent, monsieur le maire, lorsqu'il y a des inondations, d'un premier temps, appelons comme ça des inondations. Quand la mer déborde un peu, monsieur le maire, on a toujours connu ça, ne vous inquiétez pas, etc. Moi, je suis obligé de constater, depuis que je suis élu, la submersion marine s'accélère. Alors, bien évidemment, et Dieu soit loué, on n'a pas une submersion marine, on n'a pas des inondations tous les 8 jours. On commence à voir quelques petites franges de quartier, c'est très léger, c'est très faible, mais on commence à voir quelques petites franges de quartier, notamment dans les villages de Sricol, inondées tous les 2 ans, 3 ans. Mais avant, c'était tous les 20 ans ou tous les 15 ans. Il est incontestable, et ça, personne ne peut nous contredire, même les vieux qui détiennent l'histoire reconnaissent aujourd'hui que c'est en train de s'accélérer. Alors, est-ce le réchauffement climatique ? Je ne sais pas. Probablement, je ne suis pas un scientifique, mais probablement, au même titre que lorsqu'il y a des gros coefficients de marée, puisque nous subissons les marées, là encore, à gros coefficients, il y a des endroits où c'est assez impressionnant, je trouve que la mer monte très haut. Quand on dit, et quand on lit dans la presse, surtout quand on lit la presse, que la mer a monté de 3 ou 4 centimètres, le lecteur dit « c'est rien du tout ». Mais quand on est sur le terrain, on se rend compte des conséquences. Alors voilà, c'est un phénomène qui est en train de s'accélérer, ceci est sûr. Sur la presqu'île de l'Escap Ferré, je pense même sur la façade de l'Atlantique, sur la façade française, hein, je pense pas qu'il y ait un péril imminent, pas du tout. Mais vous savez, je crois que quand on est élu, il s'agit de regarder au-dessus de la ligne de crête des collines, et non plus regarder le centre des collines. Et si on regarde au-dessus de la ligne de crête, effectivement, nous devons prendre des mesures. Je fais partie des maires un peu râleurs. J'ai un caractère, et lorsque l'État prend des mesures en décrétant, en imposant des périmètres de risque, d'inondation, de submersion, qu'est-ce que cela veut dire ? Quand un périmètre est institué, ça veut dire qu'on peut pratiquement ne rien faire si une zone rouge est créée. Mettez-vous à la place d'un maire qui a, à longueur de journée, des gens qui viennent défiler dans son bureau, en disant « Monsieur le maire, j'ai besoin d'un permis de construire, je dois agrandir ma maison, je dois faire ceci, cela, etc. » Et puis quand on me dit « Non, ben vous êtes en périmètre rouge, vous ne pouvez plus rien faire. » Ça, c'est un véritable problème. Il faut que les gens commencent à le comprendre. Il y a incontestablement... Ce sont des déchirements. Vous savez, quand on dépose un permis de construire, les gens... Ceux qui peuvent en déposent un, deux dans leur vie. C'est souvent la maison de sa vie. C'est un pari, c'est un rêve. Donc c'est une déception et on sent un moment de colère. Je sentais ce mouvement de colère, je l'ai senti il y a 3-4 ans, et petit à petit, peut-être grâce à vous, grâce aux médias en général, la mentalité est en train de changer. Les gens commencent à entendre ce langage du risque et de la précaution. Ce principe de précaution, tant décrié, qui fut inscrit dans la Constitution, tant décrié, eh bien, je crois que les gens commencent à se dire, finalement, ils ont peut-être raison quand on voit ce qui se passe dans d'autres parties du monde. Et aujourd'hui, j'ai un territoire en tant que maire, je suis fier d'être maire de l'Escap Ferré, mais je suis désolé de dire que j'ai la totale, j'ai un périmètre de risque inondation, un périmètre de risque avancée du nerf, un périmètre de risque submersion marine, un périmètre de risque incendie de forêt, plus ces zones naturelles, plus ça. C'est un pays où chez moi on ne peut plus rien faire, avec pour conséquence de faire exploser les prix des gens qui ont la chance d'habiter sur ce pays. Alors, en tant que maire, j'ai également un autre problème. Qu'est-ce que je fais des enfants du pays devant les prix qu'ils sont en train d'exploser ? Donc là, on est où, Éric Lenain ? Eh bien, nous sommes sur la dune du Caféré. C'est un site naturel qui appartient au Conservatoire du Littoral. Donc le but là aujourd'hui, c'est d'aller le plus proche possible de ce qu'on appelle la pointe du Caféré. Alors, il y a une partie de la plage sur 200 à 300 mètres qui est interdite actuellement, suite à la prise d'un arrêté préfectoral. Mais je comptais pas vous amener dans cet endroit-là, puisque c'est interdit. Donc je comptais vous amener en bordure de cet endroit. Mais même ce nouveau passage qui a été créé l'année dernière est actuellement fermé pour des problèmes d'érosion. Des petits problèmes d'érosion que nous avons, qui sont spontanés. Donc on est obligé de faire un petit détour, un kilomètre à pied, sur la plage, sur la dune, sur le sable. Et on sait ce qui provoque l'érosion à cet endroit-là ? Je vous l'expliquerai une fois sur place. D'accord. Vous allez comprendre. Très bien. Allons-y alors. Oui, mais c'est par là. Ah, c'est par là. Alors là, c'est vraiment très joli. On a un petit chemin sablonneux qui s'enfonce dans les dunes. On a des petites dunes recouvertes d'un peu de végétation grise, verte, un peu marron. Et qui cache la mer pour l'instant, de là où on est. Puis quelques pins sur notre droite, là. Et il fait un temps très étrange. On est au mois de novembre, quand même. Il fait vraiment très, très doux. Il n'y a pas de vent et puis il pleut. Alors là, on va franchir, en fait, les différents stades de la dune. Là, nous sortons de la frange forestière, qui est une zone qui est boisée. C'est une forêt de protection qui est là pour protéger... les maisons qui sont juste derrière. C'est des pins qui sont du coin ou pas du tout? Ah oui, c'est du pin maritime. Ah, voilà. Ici, on ne trouve que du pin maritime. Et ensuite, donc là, nous traversons ce qu'on appelle la dune grise. C'est vraiment la dune littorale. Hein. C'est une zone qui est stabilisée, où il y a des plantes qui se développent parce que la dune est stabilisée à cet endroit-là. Donc il y a très peu de mouvement de sable. Sans quoi, si la dune se déstabilise, cette plante que nous avons, là, ici, avec les petites fleurs jaunes, par exemple, cette plante meurt. Qu'est-ce que c'est, cette plante ? C'est l'immortel des dunes. Ah, l'immortel des dunes. Voilà, c'est la plante endémique de la dune grise. Ah, et les plantes grasses, là, on dirait du sisal, c'est quoi le... Non, c'est de l'armoise. Armoise. L'armoise, ouais. Les plantes sont indicatrices du milieu, hein, très indicatrices. On a vu auparavant donc l'immortel, une zone stabilisée. L'armoise, c'est dans une zone plutôt perturbée. Et alors là, on marche toujours sur ce chemin et c'est vraiment du sable très très souple. On sent vraiment que voilà. Oui, on sent que il n'y a c'est pas du dur en dessous. Non. Quoi. Je sais pas comment. Ah non, là il y a. C'est pas du sable mouvant, mais on sent que c'est très volatile comme ça. Il y a 10 mètres, on a 10 mètres de sable sous nous. Et puis c'est du sable qui est arrivé il n'y a peut-être pas très longtemps, parce qu'on est constamment en mouvement. Oui. Là, nous sommes sur ce qu'on appelle la dune blanche. D'accord. Donc c'est le troisième stade de la dune, après avoir passé la frange forestière, la dune grise. La dune blanche, c'est une... on se rapproche de l'océan, et là, c'est vraiment une dune qui bouge, qui est en mouvement. Mouvement de sable... Et on le sent sous les pieds, un peu. Ah ben on le sent, parce que c'est du sable qui est arrivé... récemment. Donc il n'a pas eu le temps de se tasser. Donc c'est difficile de marcher. C'est pour ça que l'été ici, on met en place des caillebotis. Pour que les gens puissent marcher sur du bois. On leur fait un petit chemin en bois. Là, vous retournez. Wow. Là, vous avez un super paysage. Ah, c'est magnifique! Et bien souvent, les gens ne se retournent pas. Ils vont à la plage, ils veulent aller se baigner. Paf. Là, vous êtes là, la chance. On a de tout le dessin de la dune, un peu de brume matinale, et puis la mer, avec des vagues. Et une autre dune derrière. C'est la dune du Pilat. C'est très beau. Ah, voilà. C'est la première fois que je la vois, je suis émue. C'est majestueux. Peut-être qu'au retour, on aura un éclairage différent et on l'apercevra d'une autre façon. Thank you. Là, donc ici, c'est une petite zone. On arrive dans une petite zone de turbulence en fait, où la dune bouge un peu trop vite, à notre goût. Ah, vous aimez pas quand ça bouge ? Pas trop. Ah. Il faut que ça bouge. On accompagne un petit peu les mouvements de la dune, mais quand ça se dégrade, on a l'impression que ça se dégrade. Là, on met en place des petits travaux pour ralentir un petit peu le mouvement de la dune. Donc, c'est ce que font les ouvriers, là, actuellement. On va passer à côté. Bon, ils ont terminé leurs travaux, mais on va voir le résultat. On va en profiter. Ce qu'il faut comprendre sur cette dune, c'est que, en fait, on l'a créée au 19e siècle. On a du mal avant, quand on voit ces espaces naturels, finalement, mais ils ne sont pas si naturels que ça. Au 19e siècle, il y a eu une grande campagne sous l'impulsion de Nicolas Bremontier, et on a commencé à ces dunes qui étaient mobiles, finalement. La presqu'île du Cap Ferret, c'était en quelque sorte un paysage de désert. C'est l'image, finalement, la plus facile pour visualiser ce qu'était la presqu'île avant. Il n'y avait absolument aucun arbre. Même il n'y avait pas les petites touffes d'herbe qui sont là. Absolument pas. Il n'y avait que des dunes et des dunes mobiles. L'église de Lège a été déplacée 3 fois. Finalement, ces dunes étaient décrites à l'époque, au 15e siècle, comme le fléau de l'arrière-pays. On parlait des dunes qui marchent. Donc finalement, le littoral, il n'était absolument pas fréquenté par l'être humain. Et au 19e siècle, on a boisé ces dunes. Alors on confond souvent finalement le boisement des landes et le boisement des dunes. Le boisement des dunes est une époque légèrement différente. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'époque des ponts et chaussées, finalement, cette dune qui est parallèle à l'océan, on l'a créée par des systèmes de pièges à sable, de filets brise-vent, etc., etc. Petit à petit, on lui a donné le profil actuel. On parlait du profil du chien assis face dos à la mer. Philippe Fougeras, si on fait un petit exercice d'imagination, on sait ce qu'il y aurait si on n'était pas du tout intervenu. À quoi ressemblerait la côte française à cet endroit-là ? B, à ce qu'elle était certainement à l'époque, c'est-à-dire des dunes mobiles, c'est-à-dire certainement un... C'est l'image du désert qui me vient, parce qu'il y avait finalement assez peu d'arbres. Bonjour. Voilà. Comment vous appelez ? Monsieur Gonçalves, Jean. Jean ? Oui, son petit prénom. Voilà. Enchanté. Qu'est-ce que vous faites ici alors ? Eh bien, on est en train de refermer les passages par rapport aux genêts qui ont été posés là. C'est des passages pour qui ? En fait, non, ça c'est des passages pour les gens, pour qu'ils puissent passer. Là, il y a des caliboutis normalement à ce niveau-là. Et là, arrive l'hiver où on les enlève. On remet le genêt pour justement retenir le sable. Voilà, tous les ans c'est pareil. Là, c'est des genêts, là, c'est ce que vous avez mis au sol ? Ouais. C'est ça. On voit des grands, des brindilles noirs, hein, ouais. Quand on n'est pas spécialiste, on ne sait pas que c'est des genêts. C'est pour couvrir le sol. Séchés. Ouais. Ouais, ouais, ils sont verts à la base quand on le coupe, sauf qu'après ils sèchent. Voilà, c'est pour recouvrir le sol, pour retenir le sable en fait. On dirait que vous dessinez vous-même les dunes en fin de compte. Elles ont l'air presque ça un peu. On les dessine pas, mais disons qu'on est là pour justement préserver ces choses-là, enfin, retenir et replanter et tout ce qui s'ensuit. Quoi. Et c'est vous, Éric Lenain, qui décidez à quel endroit on met du genêt, à quel endroit on dessine le chemin ? Nous sommes là pour alerter. Quand on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on alerte. On alerte et après on prend les décisions ensemble. Philippe Fougeras. On est en quelque sorte les jardiniers des dunes. C'est-à-dire qu'on fait un petit peu la couturière, en quelque sorte. Lorsqu'il y a une attaque ponctuelle par le vent, on va mettre soit des couvertures de branchages, soit des éléments finalement pour clouter le sol, pour le stabiliser. Et après, éventuellement, on le revégétalise. C'est le même principe pour les cheminements, finalement. Tout le principe des cheminements consiste à guider les gens et à leur donner un accès confortable à la plage, ce qui nous permet finalement de préserver le reste de ce milieu qui est sensible, qui est globalement sensible au piétinement. C'est un petit peu ça le paradoxe, c'est qu'on est dans un milieu naturel très, très fragile, très fréquenté aussi. On a quand même la forêt du nerf atlantique, c'est 10 millions de personnes quand même à l'échelle de l'Aquitaine. Sur les forêts du bassin, c'est 1,5 à 2 millions de personnes qui fréquentent ces espaces l'été. Là, on est en hiver, on voit rien. On a l'impression que c'est un espace naturel alors qu'il est semi-artificiel, et on a l'impression que c'est un espace préservé alors qu'il est très fréquenté. Et c'est tout finalement l'enjeu de notre travail qui passe inaperçu parce qu'il est fait l'hiver justement. Finalement, c'est l'hiver qu'on s'occupe de la dune. La plage, on dit qu'elle respire. Vous aussi, Éric Le Nain, vous observez ce phénomène de respiration, en fait, de toute cette zone? Ah oui, non, tout à fait. On voit bien la différence entre l'été et l'hiver. Et une partie du sable qui est déposé par l'océan l'été, dès qu'il y a un coup de vent, ben, ce sable s'envole et se retrouve sur la dune. Et engraisse la dune. Voilà. Là, ici, là où nous sommes sous la dune blanche, hein, nous sommes très proches de l'océan. Et il y a une plante, on n'en a pas parlé, c'est l'oya. Cette plante que l'on voit là, c'est une grande herbacée qui a un rôle de fixation de la dune. Donc ça crée des turbulences autour de cette plante et le sable se dépose derrière en général. Et donc il empêche le sable d'aller sur la dune grise. Ici, on fait une petite couverture parce que cette plante n'est plus suffisamment présente. On va voir d'autres, il y a d'autres zones un peu plus loin où il est vraiment très très présent et on n'a pas besoin de faire de couverture de branchage. Et à partir du moment où la dune se stabilise, cette plante meurt et elle laisse sa place à l'immortel des sables. On dirait un grand couturier qui est en train de broder la plage avec un peu de scie. On dirait vraiment un travail d'artisan. Tu me déchires, tu me répares, tu m'opères à cœur ouvert. Tu me déportes, tu me grands larges, je te détache. Tu me dérives. Oh, tu m'as encore. Oh, tu me tues. Assassin de la nuit. Assassin de la nuit. Je t'espionne. Tu me soupçonnes. Je t'alarme. Tu me cambrioles. Je te vise, tu me cibles, je me rends, tu me descends. Oh, tu m'as encore, oh, tu me tues, assassin de la nuit, assassin de la nuit, assassin de la nuit. Thomas Bulto, c'est vrai que peut-être avec nos systèmes de cartographie, on a l'habitude de se représenter les zones côtières comme une terre fixe, alors que finalement, à l'état naturel, le dessin des bords de mer évolue en permanence. Est-ce que c'est pas quand même l'humain qui a décidé comme ça qu'il y aurait une sorte de fixité qui est un peu contre nature? Et c'est vrai que le réchauffement climatique révèle finalement ces changements permanent. Vous avez absolument raison, en fait. C'est vrai que la bande littorale, c'est un milieu mouvant. Ça bouge, ça a toujours bougé. Pour donner un exemple qui marque, c'est lors de la dernière période glaciaire, donc il y a, à la fin de la dernière période glaciaire, il y a 20 000 ans, le niveau de la mer était 120 mètres plus bas qu'il n'est aujourd'hui. Et donc la côte aquitaine était à peu près 100 à 200 km plus à l'ouest. Donc quand on prend conscience de ça, on voit bien que c'est quelque chose qui bouge. Alors sur des temps longs, certes, mais ça bouge énormément. Donc l'homme a décidé quelque part de se fixer sur ce territoire riche, pour plein de raisons. Mais effectivement, à partir du moment où on décide de se fixer sur un endroit qui bouge, il faut aussi accepter à un moment donné que la nature reprenne ses droits. La flèche du Cap Ferret est clairement un espace mouvant par origine. C'est un banc de sable qui s'est créé petit à petit au cours des siècles. Et l'intérêt d'un foncier sur lequel la nature est préservée, c'est un foncier qui peut continuer à évoluer. Un banc de sable, il a besoin de pouvoir bouger, avoir ses phénomènes d'érosion, ses phénomènes d'accrétion. Et tant qu'il n'est pas urbanisé, ben il peut continuer à avoir ses battements, parce que on a l'habitude de comparer la flèche du Cap Ferret à quelque chose qui bat. Et quand on regarde, quand on étudie les cartes anciennes, on voit que cette flèche a eu des grandes périodes d'accrétion où elle descendait très très très bas dans les passes du bassin, et puis des périodes où elle était en érosion très très forte et elle pouvait remonter jusqu'au phare du Cap Ferret. On a des cartes où la flèche, sa limite est à l'actuelle position du phare, donc très très très haut. Et c'est ce dont a besoin un espace comme ça, sableux. Et c'est pourquoi c'est sur des espaces tels que celui-là qu'on a besoin de vraiment travailler tous ensemble, les scientifiques qui nous apportent les données anciennes et les perspectives à venir, les décideurs politiques locaux, la commune de Lesches-Cap-Ferret, qui doit faire des choix pas évidents et qui les fait, et puis les experts comme l'Observatoire de la Côte Aquitaine, le GIP Littoral Aquitain, et sur place des gestionnaires comme l'ONF qui vont mettre en place différentes techniques qui se complètent, de la végétalisation ou alors des réensablements, mais toutes qui vont dans un sens d'une souplesse possible et d'un retour en arrière possible pour pouvoir s'adapter à tout ce qui peut se passer comme c'est le cas actuellement. Michel Samarcelli, vous venez de parler précisément de l'évolution des mentalités. Est-ce que vous avez l'impression que vous-même, vous avez changé de regard sur ce réchauffement climatique et ces bouleversements de la météo qui vont avoir des conséquences à la fois à moyen terme, à long terme et puis un petit peu concrètes tous les jours tout de même ? Oui, non seulement j'ai vu cette évolution, ces inondations qui commencent dans un ou deux quartiers à être quand même problématiques, mais je l'ai vécu parce que lorsque la mer monte la nuit, qu'il y a un fort courant, il y a des rafales de vent, et que ces rafales de vent poussent les vagues à l'intérieur des terres, vous savez, c'est très impressionnant. Quand on vous appelle la nuit, la police vous dit à 1h ou 2h du matin, monsieur le maire, venez parce que dans telle rue, dans tel quartier, il y a l'eau qui est en train de monter lentement, vous arrivez. Pas un bruit. L'eau qui monte lentement ne fait pas du bruit du tout. Et vous avez des bottes, vous voyez cette eau avec la clarté de la lune, vous voyez qui reluit, et cette eau qui avance lentement sans aucun bruit. Ça fait peur. Et de ça, on se rend compte que on ne peut rien. On doit être humble devant tout ça. Il faut que l'on fasse très attention. Et je me suis posé la question plusieurs fois en me disant, bon, c'est pas très grave, il y aura 10, 15, 20 centimètres, 30 centimètres d'eau. Mais si un jour c'est 1 mètre ou 1 mètre 50, ça c'est problématique. Le deuxième point, dans les villages ostréicoles, car nous avons des villages ostréicoles qui sont classés bâtiments de France, c'est un peu l'une des richesses de notre presqu'île qui fait 25 km de long, on a 5 ou 6 villages ostréicoles, ces cabanes en bois classées. Les vieux du pays, sans qu'on dise rien, prennent les prises de courant électrique qui sont au ras du sol, comme chez nous tous, et les ont remontées spontanément, sans qu'on dise rien, d'un mètre ou d'un mètre cinquante. C'est que ça aussi, c'est un changement de mentalité qui ne s'arrête pas simplement au moral, c'est qu'ils font. Et maintenant, ils comprennent quand on exige la reconstruction de maisons sur des petits pilotis, comme ça s'est fait d'ailleurs aux États-Unis à Cape Cod, eh bien, on s'aperçoit que ça fait changer aussi les mentalités, parce qu'une maison sur pilotis s'interpelle. En tant que maire, ça me pose des problèmes parce que l'architecture devient différente, parce que les hauteurs sont limitées malgré tout et que ça pourrait changer le paysage. Michel Lecomte, où est-ce qu'on se situe là ? On est dans une sorte d'embouchure de... En fait, on est juste à la Teste de Buc, on est sur le bassin d'Arcachon, donc on est sur la rive sud du bassin et on est au niveau du port de la Teste. Donc le port de la Teste, c'est effectivement des débouchés de petites rivières qui ont permis l'installation de ports ostréicoles de façon très ancienne. Là, on est dans une petite forêt de pins. Enfin, forêt, c'est un grand mot. Oui, on a oui, quelques pins. Voilà, il y a des pins. Et des cabanes. C'était une friche, ce qu'on appelle les friches ostréicoles. Bon, c'est des coins que j'aime bien parce que, à la limite, l'homme, on sent qu'il n'est pas implanté en dur. Hein. C'est provisoire, c'est des cabanes. Hein. Ils n'ont que des autorisations d'occupation temporaire. Hein. Ils ne sont pas propriétaires. Ce n'est pas un terrain privé. Hein. C'est le domaine public maritime. Donc l'État délivre des autorisations d'occupation temporaire. Et je trouve qu'il y a cette espèce de friche, c'est-à-dire derrière la cabane, bon, la nature reprend un petit peu ses droits progressivement. C'est un peu abandonné. Vers où il va ce petit chemin ? Bon, en fait, il fait le tour du marais. Il fait le tour, il va jusqu'à l'écluse. Et puis, ensuite, il rejoint la route qui borde, en fait, le port ostréicole. Donc, c'est assez paisible. Les gens, ils aiment bien venir là. Il n'y a pas trop de bruit. Il fait bon. Donc pour vous, bon, là, de toute façon, on le voit vraiment, ça monte inexorablement. On ne pourra pas lutter contre l'océan. Alors, ça monte inexorablement. Moi, je ne suis pas spécialiste. Vous avez amené un petit carnet. J'ai amené un petit carnet. Et vous faites des mesures systématiques. Non, je ne fais pas des mesures systématiques. C'est simplement, effectivement, pour donner un ordre de grandeur, pour savoir de quoi on parle, parce que on voit tout et n'importe quoi. Hein. Donc, il faut se fixer des repères. Mmh. Exactement. Alors, moi, pour ce que j'ai trouvé de plus récent, parce qu'évidemment, si vous prenez des chiffres d'il y a 10-15 ans, vu la rapidité avec laquelle les études se font, les modèles se construisent de plus en plus précis, etc., il faut prendre des choses qui soient récentes. Et je suis parti, alors pareil, sur, disons, la côte atlantique, hein, l'endroit où on est ici. Hein. Eh bien, on est quand même sur une tendance de 0,6 à 0,8 mm par an. Alors, ça paraît pas grand-chose. Donc, d'augmentation du niveau de la mer ? Oui, donc si on extrapole jusqu'à 2100, en général, quand on dit aux gens des chiffres, c'est rapport toujours à 2100. Donc, ça fait 80. Donc, vous faites 80 fois 0,6 mm, ça fait 4,8 cm. Je ne me trompe pas, c'est ça ? 0,6, hein, 4,8 cm, ça fait 5 cm. Là, ça commence à être appréciable dans les marais littoraux dont je vous parle. On change complètement de végétation avec 5 cm. Hein. Donc, c'est pas anodin. C'est pas anodin. Mais disons, la conséquence après que ça, c'est la disparition des habitats respectifs, avec la compression dont je vous parlais. Ça, c'est avéré. Il est sûr que là, les espèces qui sont indigènes, un peu comme la gorge bleue, qui vont dépendre du niveau d'eau pour, par exemple, les échasses, pour installer leur nid, il faudra qu'elle shift ailleurs, quoi. C'est-à-dire, il faudra qu'elle shift si elle trouve un habitat favorable ailleurs. Si les habitats sont contraints par d'autres occupations, l'homme, etc., ce sera pas possible. Donc ces espèces vont déserter les zones en question. Donc on aura des changements d'habitat quand ce sera possible pour certaines espèces, ou bien un changement de distribution carrément si à défaut de trouver des habitats favorables. De disparition aussi. Voilà. Alors, il y a à la fois, ça devient compliqué parce qu'effectivement, il y a beaucoup de facteurs qui peuvent intervenir et on est loin encore de maîtriser toute la biologie des espèces, les dynamiques des écosystèmes, ce sont des choses qui restent complexes. Donc, face à cette complexité, on peut se dire, bon, mais il faut essayer de comprendre un petit peu mieux, mais ça prend du temps. Or, la vitesse avec laquelle évoluent les choses actuellement, là, on parlait d'évolution naturelle, c'est déjà énorme, mais en plus, il y a l'évolution anthropique, c'est-à-dire provoquée par l'homme, qui, elle, est encore plus énorme. Hein, donc on est obligé de partir du scénario, on reste comme c'est actuellement, c'est-à-dire l'homme, il continue à impacter les écosystèmes, il continue à bouffer de l'énergie, il continue, tant qu'il pourra, il continuera. Donc ça explique aussi la part d'incertitude sur la mesure, qui n'est pas due au fait qu'on ne sait pas bien mesurer les choses. Mais je vous sens pas très optimiste, Michel Lecomte, pour la suite. Ah. Réaliste. Il faut être réaliste, je pense. Là, on le voit, hein, en 1826, la flèche du Cap Ferret est tellement longue qu'elle touche quasiment la dune du Pilat. Ah oui. On n'a plus qu'une seule passe pour nourrir la lagune du bassin d'Arcachon, alors que d'habitude, il y en a deux. Et puis, il y a des périodes, comme en 1966, par exemple, où la flèche est extrêmement réduite. Là, ça change carrément le dessin de la carte de France, en fait. On a vraiment la physionomie du paysage qui est totalement modifiée. C'est ça, et c'est pour ça que la perte de mémoire est importante. C'est que, en effet, on est sur des paysages qui sont extrêmement changeants. Et les populations qui habitaient sur le littoral auparavant avaient l'habitude de ne surtout pas se fixer nulle part, alors que on a tendance à, au jour d'aujourd'hui, à s'approprier beaucoup la nature, les territoires et à vouloir fixer les paysages que l'on souhaite garder. Et c'est vrai que en 1826, on fermait quasiment le bassin d'Arcachon. Donc c'est des distances énormes. Michel Lecomte, là on est au mois de novembre, fin novembre, il fait très doux quand même, non ? Oui, c'est comme pour ça. Un mois de novembre. Oui, et alors, est-ce que pour les oiseaux, justement, ça ne les perturbe pas dans ces migrations ? Puisqu'est-ce que la température ne va pas être un critère pour eux de déplacement ? La température est un critère de déplacement plus dans le sens où les températures sont basses. À ce moment-là, les populations ont tendance à avoir des mouvements migratoires vers le sud. Alors vous, Michel Lecomte, vous êtes spécialisé sur les gorges bleues. Alors en fait, c'est... C'est un petit oiseau, c'est ça? Alors c'est un petit oiseau, c'est des passereaux. De la taille. À quoi ils ressemblent? Bah disons, c'est un rossignol qui a la gorge bleue, disons, voilà. C'est joli. Donc ça vous donne à peu près la taille, c'est un peu plus petit quand même qu'un rossignol. Mais par contre, effectivement, c'est un peu comme le rossignol, on l'entend, mais c'est plus difficile à observer. Donc vous pensez qu'on a une chance de l'entendre là aujourd'hui? Alors là, absolument pas, parce que ces oiseaux-là, ils sont partis, ils ont effectué eux leur migration traditionnelle. Alors c'est une population atlantique qui est centrée dans les marées maritimes. Et à partir du mois de septembre, ils font par petite escale en fait le tour de la cordillère cantabrique. Et les premières zones d'hivernage qu'on connaît, en fait, c'est au Portugal. Et puis, pour certains individus, ils peuvent aller même jusqu'au Maroc. D'accord. Donc on ne peut pas exclure, par exemple, que ces oiseaux-là, à partir du moment où vous avez un refroidissement, mettons, en Europe, un refroidissement qui atteint le Portugal, comme l'année dernière, par exemple, faisait moins 1 au Portugal pendant qu'ici faisait 4 degrés de moins encore, que ces oiseaux aient un peu bougé et migré encore plus au sud pour leur zone d'hivernage. Donc, ils restent toujours dans les mêmes habitats, c'est-à-dire des habitats, des marais maritimes, soit des marais poldérisés de ce type, c'est-à-dire de ce que l'on voit un peu autour de nous, des digues, et puis des entrées et des sorties d'eau qui sont régulées par des vannes, ou bien des marais naturels qui correspondent en fait à la zone où on est à la haute mer de Vivo et où se développe une végétation spontanée qu'on appelle les chors, donc qui sont soumis à la marée. D'accord. Et là, deux fois par jour. Oui, donc la particularité de cette espèce, cette population atlantique en fait, c'est qu'elle niche. En fait, elle est le passereau qui est le plus proche du niveau de la mer. Et en plus, c'est une espèce qui niche au sol. Ah, voilà. Donc à partir du moment où vous vous placez dans une situation où on prédit, on mesure d'abord, hein, mais on prédit aussi une hausse du niveau de la mer, il est évident que la première espèce qui va subir l'incidence de ce phénomène, c'est elle, au niveau des oiseaux, je parle, hein. Les oiseaux côte européenne. Hein. Alors la prédation, quand on est en zone continentale, elle peut être forte. Quand on est sur des îles, comme ici par exemple l'île aux oiseaux, la prédation elle se relâche, il n'y a pas beaucoup de prédation et donc il y a des densités qui peuvent être très fortes. Donc ça forme des noyaux de population qui expliquent probablement aussi la survie actuelle de la population autour du bassin d'Arcachon. Donc le phénomène de montée progressive du niveau de la mer aura à long terme un effet dans le sens que ça va provoquer une compression en fait, des habitats disponibles. Ah, il y a un panneau danger, risque d'effondrement, interdit aux piétons. Mairie de Lège, Cap Ferré. Oui. À 800 mètres, la plage est interdite. Mais on peut aller jusqu'à la limite de la zone interdite. Là, il y a quelque chose de particulier quand même. Vous voyez des gros blocs de béton dans l'eau. Ce sont des anciens blocos. Allemand. Donc il faut les imaginer, en 45, ils étaient sur la dune. Ah oui, ils sont complètement engloutis. Ils étaient sur la dune. Ah oui, je comprends maintenant. On voit des gros blocs de béton dans l'eau, on dirait peut-être des épaves, et en fait c'est un bâtiment qui est complètement englouti. Ouais. Donc ça veut dire que la mer a avancé de beaucoup. De 300 mètres à peu près, voire plus. Et alors, est-ce que vous diriez qu'on ressent déjà concrètement les effets du changement climatique qui amplifie un peu les phénomènes ou on ne peut pas vraiment déjà se prononcer ? Ce qu'il y a d'évidence, c'est qu'on ne va pas ressentir au quotidien la montée des océans, par exemple. Ça, on pourra le programmer dans des logiques très long terme, des logiques d'urbanisme, etc., où on réfléchit finalement à quel sera le trait de côte dans 20, 30, 40 ans. Mais au quotidien, on ne va pas le voir, tout ça. Après, il est possible qu'effectivement, l'augmentation du nombre de tempêtes, l'augmentation de la force des tempêtes font que finalement, on va avoir des reculs ponctuels, peut-être de plus en plus fréquents, qui vont arriver, ça, on ne le sait pas. Après, dire aujourd'hui qu'on ressent les effets du changement climatique, c'est délicat. Ah ben, Côté bassin, c'est le cas. Il y a des menaces, puisque vous allez vous rendre compte en survolant le bassin qu'il y a toute une barrière de digues côté bassin qui est mise en place, qui est maintenue en place par les riverains, par les propriétaires privés eux-mêmes. Donc c'est inévitable. Non, c'est un constat. Les scientifiques connaissent bien le problème. Voilà. Nous intervenons uniquement côté océan. Alors côté océan, il y a 30 ans, comme la dune n'était pas stabilisée, il y a des maisons qui se sont faites ensevelir par du sable. Il y a des maisons qui sont sous la dune actuellement, qui ont été abandonnées par... Mais je vous parle de ça, il y a 20-30 ans. On peut trouver, en creusant un peu sur la plage, une cheminée, en fait. Oui. Ouais. Ce qu'on trouve surtout, c'est une mémoire collective. C'est-à-dire qu'effectivement, je pense qu'au Cap Ferret, il y a quand même cette mémoire collective. C'est relativement récent. Il y a 30 ans, il y a 40 ans, cette dune n'était pas entretenue et les gens en subissaient les conséquences directes. Beaucoup s'en souviennent. Les derniers arrivants, pas forcément. Voilà. Donc, il y a un message à faire passer, justement, pour ne pas perdre cette mémoire-là et l'importance, finalement, de ces travaux de fixation de la dune. C'est la dune qui protège l'espace urbanisé. L'homme ne serait pas là si on n'avait pas fixé la dune et planté la forêt. Il n'y aurait pas d'urbanisation sur l'ensemble de la presqu'île du Cap Ferret. Et ça, beaucoup le savent, les familles historiques le savent, les gens qui sont venus il y a 30, 40, 50 ans, qui ont connu ces problématiques dans les années 60, le savent. Les nouveaux arrivants, pas forcément. Et c'est vrai que c'est un message qu'il faut qu'on fasse passer, parce que c'est une mémoire qui est importante à préserver. Et on avait, tendance à penser que enrocher une dune allait permettre de garder à la station balnéaire son environnement naturel. Et au final, on se rend compte que ces dunes ont été bien abîmées par ces enrochements. Abîmées, c'est-à-dire en plus, elles ne tenaient pas en place malgré la digue. L'érosion va s'accélérer juste à côté de la digue. Et en plus, les digues ont tendance à accélérer la vitesse des vagues. Et du coup, accélérer l'érosion que va générer la vague à cet endroit-là. Ah oui, donc c'est carrément contre-productif, en fait. Pour un espace naturel, une digue est totalement contre-productive, oui. Ouais. Et coûte cher à la collectivité. Alors là, c'est le moment d'interroger Eric, parce que vous voyez que la dune, elle a quand même un tout petit peu changé de faciès. Là, je vous laisse la décrire aux auditeurs. On dirait une sorte de falaise, en fait, c'est plus une dune. On dirait que ça s'est effondré ou... Ben oui, en fait, ici, nous avons une zone qui fait à peu près 500 mètres de long, qui est en phase d'érosion depuis le mois d'août. On a perdu quelques mètres de dune, des mètres cubes de sable qui sont partis à l'océan. Ah, ça c'est tout récent, c'est pas une vieille falaise. Non. C'est tout récent. Le chemin, on le voit pas encore, on y est pas encore, je le vois pas, mais je vous le montrerai. Donc là, c'est vraiment une falaise toute récente. Donc là, on va être patient, on va attendre que le sable revienne au pied de la falaise, petit à petit. Et puis, petit à petit, il y a une pente qui va s'adoucir. La falaise va disparaître. Vous revenez ici dans un an, vous ne verrez plus la trace de la falaise. Vous verrez une pente beaucoup plus douce. En général, il n'y a personne quand ça se produit, parce que ces phénomènes-là, il faut voir qu'ils se produisent lorsqu'il y a une grosse tempête. C'est-à-dire qu'il faut à la fois qu'il y ait un gros coefficient de marée, une forte houle, des vents d'ouest. Donc on est dans des conditions pas très très sympathiques pour aller à la plage. Donc effectivement, il n'y a personne. Alors on a du mal à se repérer, oui et non, parce que vous voyez une grosse plaque de béton là, en plein milieu de la dune. Là. C'est bizarre cette plaque de béton là. C'est quoi? Eh bien, c'est la piste allemande qui reliait les blocos entre eux. Ah oui, mais là, elle est plusieurs mètres sous terre, en fait. Oui, elle a été recouverte par la dune, et puis elle est à nouveau remise en apparence. Cette grande dune qui fait 7-8 mètres de haut, elle était beaucoup plus proche de l'océan. C'est des petits coups de vent, des houles un peu plus fortes que les autres. Voilà, sans que ce soit forcément une grosse tempête. Voilà. Ça veut dire que c'est vraiment très fragile, ça tient à pas grand-chose, le fait que ce paysage soit complètement redessiné. Oui, ça tient à pas grand-chose. Hein. Oui, effectivement. Nous sommes en pleine dans la phase d'érosion actuelle. C'est-à-dire ça commençait un peu plus au niveau des blocos depuis le mois d'août, et petit à petit, ça progressait vers le sud, en allant vraiment vers la pointe du Cap Ferret. Là, le chemin qu'on a créé il y a un an, c'est ça le chemin? Oui. avec il y a des piquets effondrés avec voilà. Un bout de grillage qui en se fait, casse la figure en fait, et qui tombe à pic un peu là, c'est impressionnant. En fait, il faut imaginer la dune en pente douce vers l'océan, où les gens pouvaient descendre en pente douce vers l'océan. Maintenant, il faut beaucoup d'imagination pour se représenter voilà. Ça. Ce chemin qui a été créé il y a un an et demi. D'autant qu'il va falloir qu'on avance parce que là, la mer monte et qu'il n'y a pas de plage à marée haute ici. Elle descend. Ah, elle descend, pardon. Les premiers travaux que nous avons vus consistaient à faire une couverture de branchage, c'était pour accompagner les mouvements de sable parce qu'il y a de la place derrière, donc on peut accompagner les mouvements de sable. Ici, nous sommes dans la zone peut-être la plus délicate, la plus fragile de la dune, parce que la dune n'est pas très large par rapport aux habitations. Donc ici, on ne va pas accompagner le mouvement de sable, on va chercher davantage à bloquer le sable. À bloquer le sable qui arrive par le vent, par l'océan et par le vent. Donc nous avons mis en place des petits systèmes, qu'on appelle des casiers. C'est fait à base de ganivelle, de produits naturels, c'est du châtaignier qui vient de la Dordogne. On crée un obstacle au vent et le sable se dépose derrière et remplit les casiers, en fait. Ah, vous capturez la dune, en quelque sorte. D'accord. C'est le principe de fabrication d'une dune, en fait. On crée un obstacle, le sable s'arrête juste derrière, après, on remonte l'obstacle, et c'est comme ça que, dans les années 1800, ils ont créé les dunes du littoral dans les Landes et en Gironde. Donc là, en fait, le piège, c'est un rectangle avec des petites lamelles. Ah oui, non, c'est tout un réseau, en fait, de petites lamelles de bois qui sont plantées debout, qui sont attachées ensemble. On dirait une mini clôture, comme un jardin pour des poupées, comme ça. Et du coup, ça affleure hors du sable et c'est très joli. On dirait des mini clôtures, en fait. Tout à fait. Après, nous sommes aidés par la nature parce que ça piège aussi les graines des plantes. Et petit à petit, il y a la végétation qui se met en place. La végétation qui va remplacer notre système artificiel. On stocke du sable pour donner à manger à la main, hein, ça fait un peu shadok, mais on le fait avec des techniques qui finalement ont deux intérêts. D'une part, elles coûtent moins cher, et d'autre part, ça évite de prendre du sable sur la plage. Parce qu'on a parlé de ce transit sableux, finalement, en profitant du vent, on stocke du sable qui, de toute façon, serait sorti du système. Thomas Bulteau, vous avez connaissance, il y a une sorte de mutualisation des moyens, puisqu'effectivement, dans plusieurs points du monde, on va avoir à répondre aux mêmes problématiques. Et est-ce qu'on arrive un petit peu à se mettre d'accord sur les meilleures solutions? Je sais qu'en Angleterre et aux Pays-Bas, il y a beaucoup de choses qui sont faites parce qu'ils ont été confrontés assez tôt aux conséquences dramatiques des risques côtiers, en particulier de submersion marine. Les principales mesures d'adaptation, ce sont les mêmes. Ce sont les mêmes partout. On peut les retrouver notamment dans les rapports du GIEC. Imaginons qu'on ait déjà construit une digue. Si l'élévation de la mer continue à s'élever, il va falloir soit la rehausser, soit la reconstruire carrément. Est-ce qu'elles peuvent être réversibles aussi, ces mesures? Est-ce que ce sont des mesures dont on peut facilement revenir en arrière si jamais on s'aperçoit que les projections qu'on anticipait du changement climatique ne sont pas forcément les bonnes? Un caractère qu'on aime bien aussi pour les mesures d'adaptation, c'est le caractère sans regret. C'est-à-dire que on se lance dans une mesure d'adaptation aujourd'hui, et quel que soit le futur, de toute façon, elle apportera des bénéfices à la société, même maintenant. Elles sont pas nombreuses, hein, celles-ci, mais... À part construire les digues, il y a quoi comme mesure sans regret, justement, Thomas Bulteau? Je dirais par exemple une mesure qui peut être sans regret pour les côtes sableuses. Pour le risque d'érosion, ça peut être du rechargement en sable. Du rechargement en sable, ça va permettre d'apporter immédiatement un bénéfice à la société, puisque ça va limiter, ou en tout cas retarder l'érosion irréductible de la dune ou du front dunaire. Et quel que soit le changement climatique plus tard, c'est une mesure qui apportera des bénéfices immédiats. Michel Samarcelli, pour revenir un petit peu au Cap Ferré, finalement, quand dans certaines situations on est obligé de songer à relocaliser des gens, là on est aussi au niveau mondial en train de réfléchir à la question des réfugiés climatiques. Peut-être demain on aura des réfugiés climatiques du Cap Ferré. Oh, à petite échelle, j'ai un problème. L'État nous oblige, les communes du littoral, à avoir une stratégie sur l'érosion marine et la submersion marine. Donc nous avons fait les études, tout ça, ça coûte très cher, mais là c'est justifié. Nous avons fait les études, alors stratégie, ça veut dire avoir une vision à 30 ans, 50 ans. En cas de pépin, que ferons-nous et anticipons ce pépin, prenons des dispositions. On est prêt. Quelles sont les stratégies possibles sur une presqu'île? Soit la défense contre la mer, la défense contre l'inondation, la mer, ou soit le repli. La défense contre la mer, que peut-il se passer? Investissement colossal avec un K, énorme. A-t-on les moyens qui payent? Nous, belles mais petites communes, on n'a pas les moyens. Les régions, la grande région Aquitaine a un tel littoral que c'est pas eux qui pourront faire face à l'île de Ré, l'île d'Oléron, enfin tout ce qui va se passer. L'Europe, suivront-ils? Il y a la Hollande, il y a la Belgique, etc. Aura-t-on les moyens? Mais nous sommes prêts à construire, nous avons fait des études, à construire des dunes, des digues, à déplacer des milliers de mètres cubes de sable pour renforcer le courant d'ordinaire, etc. Il y a ça. Où c'est la délocalisation? Relocalisation, délocalisation. Moi, c'est un mot que je n'aime pas prononcer en public parce que j'ai mesuré, je l'ai fait une fois, quand vous dites à des gens qui ont bossé toute leur vie, particulièrement à des retraités, qui restent quelques années à vivre, et vous leur dites, vous savez, peut-être qu'un jour on va vous relocaliser, vous délocaliser, vous faire déménager, pour être plus clair. Là, vous mesurez les dégâts psychologiques que vous faites. Car ce couple-là se dit, j'ai vécu le bonheur dans un endroit, etc. On va me coller dans un appartement, dans un immeuble, à des milliards, des dizaines de kilomètres. Et là, il y a incontestablement un véritable problème. Mais, les mentalités, lentement évoluent. Petit à petit, tout le monde prend conscience que un jour, peut-être que ça arrivera. C'est encore difficile, vous savez, l'accident n'arrive que chez les autres, jamais chez soi. C'est vraiment des options d'adaptation qui sont envisagées, mais elles sont probablement possibles parce que c'est une des côtes françaises les plus naturelles, en fait, qui reste encore à l'état vraiment, vraiment naturel. Ça me fait penser à une anecdote. Il y avait une délégation de Chinois qui était venue s'inspirer sur la côte aquitaine de ce qui était fait, etc. Et justement, j'avais avancé cet argument-là en disant que, parce qu'ils cherchaient des solutions d'ingénierie, etc. Donc je disais, mais la mer sera de toute façon plus forte. Et eux, ils avaient dit, oui, mais c'est facile pour vous parce que vos cités côtières, c'est quelques milliers d'habitants. Nous, en Chine, c'est quelques millions. Comment on fait pour déplacer des cités entières de plusieurs millions d'habitants? Moi, j'ai pas la réponse, hein. Mais ce qui est un fait, c'est que la mer sera toujours plus forte que l'homme. Littoral aquitain, un monde redessiné. Avec Isabelle Kishlevski, chargée de mission du Conservatoire du littoral. Éric Lenain et Philippe Fougeras, de l'Office national des forêts, l'ONF. Thomas Bulteau, ingénieur en risque côtier du BRGM. Michel Lecomte, ingénieur d'études des systèmes naturels ou anthropisés. Michel Samarcelli, maire de Lèche-Cap-Ferré. Iramuno Bastetcheria et Monsieur Saint-Miguel. Merci à Nathalie Madrid, prise de son Romain Luquiens, mixage Stéphane Desmonts, réalisation Doria Zénine, un documentaire de Lydia Benitzrak. LSD, c'est tout pour aujourd'hui. Bibliographie, liens ou pour ne réécouter dans les dunes, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marie-Vonne Abolivier, Mathias Mégy et Annelise Signoret. Vous pouvez aussi nous podcaster sur toutes les plateformes, nous trouver sur la page Facebook de France Culture, nous suivre sur Twitter et même sur Instagram. Demain, le Portugal face aux incendies. Et pendant 15 jours, grâce à Tank, notre partenaire, vous pouvez voir Dernière Pêche, le documentaire de Baptiste Janon consacré à des pêcheurs autour de leur coin à côté d'une centrale nucléaire. Il y a un lien exprès sur la page de l'émission. Et n'oubliez pas les autres rendez-vous documentaires de France Culture, Une vie, une œuvre, Création en air, Une histoire particulière et Les pieds sur terre.